l'histoire, actualité comme tous les vendredis dans la fabrique de l'histoire, actualité des publications d'histoire, rapport de l'actualité à l'histoire et de l'histoire à cette même actualité. Toute la semaine, nous avons porté un regard d'historien sur la crise des gilets jaunes. Nous allons donc continuer en ce vendredi avec Catherine Decopé, qui dans sa fabrique de l'autre nous expliquera en tout début d'émission comment est née l'acceptation contemporaine du terme de casseur. Jean-Marc Morisseau viendra ensuite, il est l'auteur de La mémoire des croquants, paru chez Talendier, et il nous dira ce qui, dans la crise des gilets jaunes, ressortit ou pas des révoltes d'anciens régimes. Puis Amélie Meffre, dans sa chronique Un saut dans la loi, nous rappellera que en septembre 1791, eh bien, Avignon et le comtat venaissin étaient intégrés à la France. Et enfin, Gaëtan Drau, maître de conférence en histoire à Nantes et qui sera en duplex avec nous depuis les studios de Radio France à Rennes, nous dira comment la Révolution changea ou pas les rapports entre Paris capitale et la province. Enfin, dernière fin, c'était à la une avec Rétro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Aujourd'hui, Hélène Losseur nous lira un texte d'Antoine de Saint-Exupéry qui s'est surpris dans son voyage qu'il accomplit à Moscou. Il ne voit pas véritablement la révolution, c'est en 1935. Libellis, conservateur, homme politique, La fabrique de l'autre, Catherine Decopé. Bonjour Catherine Decopé. Bonjour. Vous venez comme chaque mois nous parler de la façon dont, par les mots, on fabrique un autre. Et pour cette semaine spéciale consacrée au mouvement des Gilets jaunes, vous avez choisi de vous arrêter sur le mot casseur. Un mot qui est pas mal revenu dans vos émissions cette semaine. Alors ce mot est attesté dès le XVIe siècle où le casseur est celui qui frappe fort pour casser. Et dès l'origine, l'accent est mis sur la puissance physique. Ceci dit, on est en droit de se demander, que casse donc le casseur ? Casseur, c'est avant tout une profession. On est casseur de pierre, de grès, de minerais, casseur de fonte. Au sens figuré, on voit apparaître le casseur d'assiettes. C'est celui qui met la pagaille et partant qui frime. Le casseur est celui qui roule des muscles, qui fanfaronne. Et toujours au figuré, le casseur de sucre est celui qui dit du mal des gens, vous le connaissez bien, dans leur dos. Ça m'arrive jamais. Pour rester dans cette veine négative, notons qu'à partir du XXe siècle, casseur désignera aussi le cambrioleur, celui qui fait un casse, et un peu plus tard, celui qui travaille dans une casse de voiture. Alors à quel moment casseur prend le sens qu'on lui connaît aujourd'hui, Catherine ? Disons que le terme devient politique à partir du XIXe siècle. En 1832, sous la monarchie de Juillet, des journées insurrectionnelles ont lieu qui sont réprimées de façon sanglante par le pouvoir de Louis-Philippe. L'analyse de la presse de l'époque a montré que c'est à l'automne de cette année-là que le Figaro, qui vient d'être racheté par le pouvoir en place, construit une image de l'émeutier assez particulière, celui qui se rebelle en dégradant l'espace public et qui souhaite en découdre avec le pouvoir en place, est désormais désigné comme le casseur de vitres. Cette expression qui existait dès 1820 est dès lors reprise dans la langue pour désigner les auteurs de violences, les séditieux, et ce jusque dans les années 1940. Avec parfois un sens figuré, là aussi, Georges Clémenceau, lui-même, dans son journal Le Bloc en 1901, qualifiera ainsi de casseur de vitres un certain Theodore Roosevelt, 26e président des États-Unis, tout juste élu. Soulignons au passage que la figure de celui qui casse ou détruit pour manifester sa colère ne date évidemment pas du 19e siècle, on l'a bien entendu cette semaine. On peut penser notamment aux maillotins du Moyen-Âge qui protestaient contre l'oppression fiscale déjà. Mais le 19e siècle est celui qui connaît les premières révoltes contre la société industrielle, avec notamment en Grande-Bretagne la révolte des ludites. Ici, ce sont des artisans qui voyaient leur avenir menacé par l'automatisation, qui se sont organisés pour aller casser des métiers à tisser dans les fabriques de textiles. Dans la casse, l'objet visé prend une dimension symbolique. Le message n'est pas le même en fonction de ce qui est cassé. Alors le mot casseur disparaît des radars, Catherine, à partir des années 1940, mais réapparaît à la faveur des événements de mai 68. En fait, le mot ne ressurgit pas en 1968 au moment des manifestations, grèves et barricades, mais précisément 2 ans plus tard, quand est votée par le Parlement la loi du 8 juin qui limite le droit de manifestation. Présent cette même année dans les journaux pour désigner les manifestants violents, le terme casseur collera vite à la peau de la nouvelle loi, puisque très rapidement, on la désigne comme la loi anti-casseur. Le texte sera finalement abrogé en décembre 1981 sous François Mitterrand, mais le terme casseur est d'ores et déjà entré dans les mœurs langagières. Il devient le mot refuge dès qu'il y a manifestation de violence, comme le montrent par exemple les commentaires sur le conflit social majeur né en Lorraine au tournant de 1979 pour défendre la sidérurgie. Alors à partir de là, Catherine, le mot casseur ressurgit dans l'actualité à la faveur des débordements de violence dans les manifestations, dans les émeutes, comme en 2005 dans les banlieues. On peut évoquer aussi plus récemment les manifestations contre le CPE ou la loi El Khomri. Le terme a ceci de pratique qu'il ne fait que décrire une action, celle de casser, sans aller plus loin dans l'interprétation. Depuis les années 1990, nombre de sociologues se sont penchés sur l'usage de ce mot, repris parfois à leur compte par les personnes qui sont affublées de cette étiquette. Alors réunir les manifestants violents sous la bannière de casseurs a pour effet de dépolitiser des gestes qui, sans toujours être homogènes dans leur motivation, n'en sont pas moins fortement politiques. Et à regarder l'usage du terme, on peut remarquer qu'il est souvent associé à l'expression « en marge des manifestations », ce qui insiste encore plus sur le sous-entendu de la catégorie casseur. Il y aurait les bons manifestants et les autres, les mauvais, les casseurs. Cédric Moreau de Bellin a par ailleurs montré comment le terme de casseur réunissait sous une même désignation deux groupes de population distincts, des jeunes issus des banlieues et des militants anarchistes et autres black blocs. Ils ont en commun, analyse le sociologue, de ne pas se sentir représentés par le principe de la délégation politique, soit par défaut, soit par refus de cette même délégation. À l'arrivée, le recours au terme casseur entretient une focalisation sur la violence physique comme non-message et ignore la variété des postures face au passage à l'acte, notamment chez des personnes qui n'ont pas l'habitude de cette violence. Le mot casseur rend donc presque impossible l'analyse de mouvements où la spontanéité joue un rôle important, comme celui des gilets jaunes. Enfin, si on en revient au langage, le fait que le terme casse puisse se retourner et servir à désigner des décisions politiques, on parle en effet de casse sociale, interroge in fine la hiérarchie des violences dans nos sociétés entre violences visibles et violences moins visible. Merci beaucoup Catherine de Copé, vous reviendrez l'année prochaine pour une nouvelle Fabrique de l'autre. Nous étions bien 200 une nuit à Saint-Dolay, armés de nos faucilles à couper ton maïs. Jacou était semblable, vous nous volez la terre. Vous ne ferez rien pousser qui ne sera coupé. Préparons nos fouches et nos fusils. Contre les cumulards et le rapport Vedel. Contre les exploiteurs, soyons tous des rebelles. Paysans en lutte debout. Défions tous les seigneurs vivants de notre labeur. Relevons tous la tête, soyons tous les jacous. Paysans en lutte debout. Sauvage les battus du côté d'Herbignac. Sauvage aussi les gars du Gavre à Pontchâteau. Fini de travailler pour le ventre des cochons. Traquons vos sangliers, pillons vos chasses gardées. Préparons nos fouches et nos fusils. Contre les cumulards et le rapport Vedel. Contre les exploiteurs, soyons tous des rebelles. Paysans en lutte. Mathieu Hamon, paysan en lutte debout, à titre de 2017. Bonjour à vous, Jean-Marc Morisseau. Vous en avez écouté beaucoup des chansons de ce type-là, en l'occurrence, depuis que vous travaillez sur l'espace rural, c'est-à-dire depuis plusieurs dizaines d'années. Bonjour, tout à fait. Oui, alors vous êtes donc le fondateur de l'Association d'Histoire des Sociétés Rurales, qui d'ailleurs fête son numéro 50 pour Histoire et Sociétés Rurales ce mois-ci. Il vient tout juste de sortir, deuxième semestre 2018. Mais vous êtes aussi l'auteur, et c'est pour ça que nous vous invitons, de La mémoire des croquants, chronique de la France des campagnes entre 1435 et 1652 chez Talendier. Alors on a beaucoup dit dans cette série d'émissions consacrées aux Gilets jaunes qu'il fallait se méfier absolument des analogies, des comparaisons lointaines dans un passé lointain qui ne correspond pas au XXIe siècle, mais qu'il fallait parfois prendre en compte certaines des images qui étaient ressorties de cette confrontation avec les Gilets jaunes. Ça vous a fait penser à quoi, vous, de votre côté spécialiste des révoltes paysannes, et pas simplement du milieu paysan dans les siècles de l'âge moderne ? Ça me rappelle ces accès de violence qui sont quand même périodiques et particulièrement forts entre la guerre de Cent Ans et puis l'époque de Louis XIV que j'ai étudié. On parlait de casseurs il y a à peine une minute. Les casseurs, je les ai découverts sous le nom de mauvais garçons. Ah oui. Au XVIe siècle, époque qui pourtant devait être tranquille en France, à l'époque de François Ier, après les écorcheurs et les routiers du XVe siècle. Et qu'on trouve beaucoup dans la mémoire des croquants, oui. Et oui, et on imaginait que à l'époque de François Ier, tout était calme. Eh bien, pas du tout. Ces soldats en rupture de banc, qui n'arrivent pas d'ailleurs à être payés évidemment par le roi, sèment la terreur dans les campagnes. Et par exemple, en 1523, l'un d'entre eux s'érige en roi, le roi Maclou, avec toute une organisation, et fait des exactions depuis le Lyonnais jusqu'au Poitou, avant d'être arrêté et d'être décapité à Paris. Et il a tenu en haleine la chronique de l'époque de François Ier pendant plusieurs mois. Et il y a d'autres chefs de bande ainsi qui sont des mauvais garçons. Donc il y a effectivement une violence qui est liée aux faits militaires et au problème que la France et les États européens ont eu pendant longtemps d'avoir suffisamment de finances pour entretenir durablement une armée. Une armée. Et le fait que... Et donc l'armée en débandade, les armées en débandade, les mercenaires qui ne sont plus payés, eh bien ils partent dans la campagne et puis ils récupèrent ce qu'ils peuvent de ce qui a été cultivé par les paysans. Exactement, ils ont quand même pour eux une organisation, un équipement militaire, une expérience et ils sèment vraiment la terreur. Et les paysans se révoltent contre eux. On a des vendettas en quelque sorte, des guerres de partisans qui jusqu'ici passaient dans l'ombre et qui ressurgissent en pleine lumière, qui montrent que les paysans ne sont pas restés inertes et se sont révoltés. Il y a même des sortes de guerres, des compagnies de paysans contre ces aventuriers, contre ces mauvais garçons, contre ces soldats débandés. Au XVIe siècle comme au XVIIe siècle. Alors, ce qui est passionnant dans votre travail qui s'intitule « La mémoire des croquants » et qui ferait un parfait livre pour Noël, pour ceux qui n'ont pas encore fait leur cadeau, ça s'appelle « Chronique de la France des campagnes ». C'est un travail très long que vous avez mené depuis des dizaines d'années. Et en fait, vous donnez la possibilité au lecteur de rentrer dans la fabrique de l'historien, d'une certaine façon. Parce que ce sont des fiches que vous avez assemblées pour votre travail sur le loup en particulier, mais pas simplement sur les campagnes, tout ce que vous avez fait depuis des dizaines d'années, que vous rassemblez année après année comme un almanach et vous y mêlez à la fois les aléas du temps, il fait beaucoup de vent sur Paris aujourd'hui, les aléas de la politique, en l'occurrence des mandats des soldats, mais aussi les révoltes paysannes, etc., etc. Et ça donne une vision très large de ce qui se passe dans les campagnes françaises. Vous avez choisi de prendre l'hexagone comme mesure. Entre le milieu du XVe siècle et le milieu du XVIIe siècle, Jean-Marc Morisseau. Effectivement, il m'apparaît c'est important de couvrir toute la France, du Cap Sizun jusqu'à l'Alsace, et puis du Nord jusqu'au Roussillon. Alors que ça n'est pas toute la France à ce moment-là. Oui, toute la France dans son acception actuelle, avec ses provinces qui étaient étrangères, évidemment, non rattachées. Ça donne lieu, évidemment, à un comparatisme extrêmement important, extrêmement intéressant, et ça permet d'avoir une vision quand même large des choses. Parce que jusqu'à présent, beaucoup de nos histoires rurales était faite en privilégiant deux ou trois provinces. Ensuite, il y avait en quelque sorte des blancs qui, en général, occultaient le midi de la France, occultaient les espaces périphériques, et il me paraissait important là de les restituer. Et d'autre part, de redonner une mémoire à ces paysans et gens de village, comme on disait, qui étaient majoritaires, évidemment, et qui ont été éclipsés par les historiens qui voyaient les choses d'en haut à partir des villes ou de plus en plus à partir d'objets de recherche qui n'étaient pas ancrés dans le territoire rural. Et moi, j'ai voulu réinvestir en quelque sorte 30 à 40 ans de recherche historique, mais sur le rural, en tenant compte des acquis des générations précédentes. Alors, il y a évidemment ce terme de croquant qui a été plusieurs fois évoqué à propos des révoltes et des crises des Gilets jaunes. Vous êtes intervenu il y a quelque temps sur le podcast de Guillaume Erner, Superfell, pour évoquer justement cette notion de croquant. C'est qui ces croquants et ils sont où et pourquoi, d'une certaine façon, sont-ils restés dans nos mémoires? Est-ce que c'est à cause de Jacques le croquant? Est-ce que c'est à cause des films de télévision des années 60 de Stelio Lorenzi? Alors, il est sûr que Jacques le Croquant a en quelque sorte réactivé une mémoire qui était beaucoup plus ancienne de ces paysans et villageois révoltés contre deux obstacles pour eux en particulier. Le premier qui était l'excès de la fiscalité, et là on retrouve évidemment la question des gilets jaunes et j'y reviens tout de suite. Et le deuxième était l'excès des gens de guerre qu'on appelait les gendarmes, mais qui étaient des soldats en rupture de ban ou bien tout simplement soldés, mais qui se payaient sur l'habitant qui vivait sur les campagnes. Eh bien, ces révoltes-là on voit qu'elles ont des points communs, effectivement, avec ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, il y a, je dirais, la symbolique. Aujourd'hui, on parle de gilets jaunes. On parlait de robe rouge dès la fin du XVe siècle, avec notamment la révolte des paysans du Faucigny en 1492. En Bourgogne, c'est en Bourgogne qu'arrivent un siècle plus tard les bonnets rouges, en 1593-1594. Qui ne sont pas les mêmes que les bonnets rouges dont on a entendu parler récemment et qui faisaient référence à des révoltes bretonnes. Bretonnes de 1675. Voilà. Et puis les croquants. Qui apparaissent, eux, en 1594, dans le Périgord et en Limousin. Ces révoltes-là s'inscrivent contre l'excès de la fiscalité, en lien avec la guerre d'ailleurs, et l'arrivée notamment d'impôts nouveaux, d'impôts sur les boissons, sur le vin, sur le cidre, qu'on appelait les aides, et surtout l'excès de la taille, l'excès de l'impôt. Dans une société très inégalitaire, où effectivement les villageois et les paysans avaient l'impression de payer l'essentiel du fardeau fiscal. Alors ça c'est intéressant parce que évidemment on se dit, il y a dans les revendications des Gilets jaunes la question de la justice fiscale, puisqu'ils voudraient pour beaucoup d'entre eux voir rétablir l'impôt sur la fortune, etc., etc. Cette question de justice, on en parlait mercredi dans les émissions que nous avons fait sur l'impôt, on parlait de cette humanitas qui vient de la période médiévale et qui dit qu'il faut un juste prix pour les aliments, il faut un juste prix pour que chacun puisse vivre décemment de son propre travail. C'est ce que vous retrouvez dans votre travail sur les croquants, sur cette période du XVIe, XVIIe siècle ? Au niveau local, oui. Dans le cadre notamment des petits pays et des circonscriptions féodales au XVe et au XVIe siècle, et au niveau de plus en plus régional, voire national, au XVIIe et au XVIIIe siècle, la guerre des farines étant emblématique juste de cette avant économie la révolution morale, française. Hein, effectivement. L'économie morale. Ouais. Voilà. Mais avant, il s'agit quand même de protéger le contribuable, quand même. En évitant qu'il soit assommé par des impôts, alors que la vulnérabilité économique, les rendements des grains sont très faibles, la vulnérabilité climatique, les mauvaises saisons peuvent compromettre évidemment la production, la vulnérabilité institutionnelle, les prélèvements à l'égard de l'Église, la dîme ou des seigneurs, évidemment, étranglent la plupart des producteurs, notamment des petits producteurs. Donc il y a une sorte de compromis à trouver, effectivement, pour que ces producteurs puissent vivre. Alors, on a remarqué, par exemple, que certains actes ont été portés contre des préfectures, ce qui est relativement habituel dans les révoltes rurales. On a brûlé une partie de la préfecture du Puy-en-Velay. Jean-Marc Morisseau, est-ce que, justement, il faut réinscrire cette histoire des Gilets jaunes, par exemple, dans cette longue histoire des révoltes rurales et des cibles qu'elles cherchent à atteindre, ces révoltes rurales, quand elles vont dans un bourg, dans une ville, dans un chef-lieu de canton, etc. Oui, parce que là, il y a une symbolique qui traverse les siècles. Les Gilets jaunes du XVIIe siècle, c'est-à-dire les croquants, eux s'en prenaient au bureau des gabelles, au bureau des traites et des douanes, au bureau des impôts, et également aux propriétés des financiers, des traitants, de ceux qui levaient l'impôt et qui étaient privilégiés, qui ne le payaient pas eux-mêmes. Il y a toujours des éléments symboliques qui apparaissent. Mais il y a des différences avec aujourd'hui, malgré tout. C'est-à-dire que le chef de l'État, le roi, est perçu comme l'autorité de référence, comme aujourd'hui évidemment, mais il est en quelque sorte exonéré de toute culpabilité. Ah, c'est ça, ce ça, sont c'est ses important. Conseillers qui sont toujours de mauvais conseillers. Voilà, il est mal conseillé. Hein. Le roi, lui, peut en quelque sorte, et jusqu'à la Révolution, en quelque sorte, réagir et prendre soin de son peuple contre les mauvais agissements de ses ministres ou de ses conseillers. On le sait par exemple par les travaux de Pierre Birnbaum, quand il travaille sur la République et les Juifs sous l'Ancien Régime, il nous explique bien combien les communautés juives sont terrorisées par ces pogroms qui peuvent arriver à n'importe quel moment. Et on appelle toujours au roi en disant « Bon roi, pourquoi est-on poursuivi ?» Et évidemment le roi fait semblant de venir au secours des communautés juives avant qu'une nouvelle fièvre ne perdure, ne se déplace sur une autre communauté un peu plus tard en l'occurrence. Oui. Et il y a un deuxième élément très important de différence avec aujourd'hui, c'est que jusqu'au XVIIIe siècle et même jusqu'au XIXe siècle, il y a une très forte interpénétration entre la ville et la campagne. Et donc, les gens des villes sont très proches de la campagne. D'abord, la campagne, elle envahit les villes. Dans la plupart des villes, il y a des vignerons, par exemple, qui sortent le matin pour travailler à leur vigne. Il y a des métayers, des fermiers qui viennent tous les jours pour pouvoir livrer les bouchers et livrer les marchés. Oui, on sait bien, par exemple, avec le livre Le Grand Marché, qui avait été dirigé, je crois, par Robert Méchamblé, il y a quelque temps, ou un livre... Rénal Labade. Oui, Rénal Labade, et puis un autre livre de Robert Méchamblé sur Paris et sa banlieue, combien, effectivement, les bourgeois des villes, par exemple, investissent à certains moments sur les campagnes alentours, parce que ça rapporte plus que d'avoir des logements dans la ville en question. Oh, bah, de toute façon, l'essentiel de leur fortune est dans les campagnes. Il n'y a pas de livret de caisse d'épargne, mais on loue des vaches, en quelque sorte, à des exploitants. Et puis, on surveille ses vignes depuis la ville, comme ce charpentier de Reims qui lorgne, en quelque sorte, le vignoble de la montagne de Reims, où se trouvent ses lopins, tout à la fin du XVIe siècle, au début du XVIIe siècle. Bref, les gens des villes connaissent bien les problèmes des ruraux. Or, aujourd'hui, c'est très différent. Il y a une sorte de distance sociale, de relative indifférence, j'allais dire presque du mépris, de la part d'une partie, en tout cas, des urbains, des gens de banlieue, et surtout des gens des villes, et des élites, évidemment, à l'égard des réalités du monde rural. Et le fait que ce monde rural, en quelque sorte, se désertifie et qu'il perde une grande partie de ses équipements et de ses services, revient maintenant directement à la lumière, et apparaît dans ces révoltes de gilets jaunes. Mais il n'était pas bien perçu, et à sa juste mesure en tout cas, jusqu'à ces derniers moments, par les gens des villes qui n'avaient pas ces problèmes-là. Et au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, c'est très différent. Il y a une interpénétration qui n'existe plus aujourd'hui. Et puis, on peut dire aussi qu'il y a des instances de recours. Certes, le souverain est au sommet de l'État. On a dit qu'il servait de recours ultime. Mais il y a aussi des possibilités, peut-être, de jouer sur les tutelles locales de temps en temps pour pouvoir obtenir un petit avantage là où on n'en aurait pas eu autrement, ou pas, en l'occurrence, Jean-Marc Morisseau. Oui, bien sûr. Là, c'est une tradition dans le monde rural de jouer de la concurrence entre les administrations, de toute façon, pour pouvoir en quelque sorte survivre et défendre son gagne-pain. Mais je pense qu'il faut bien voir qu'on a quand même des profondes différences entre l'ancien régime au sens très large et puis l'époque contemporaine dans l'inscription territoriale des problèmes. En effet, pendant très longtemps, cette inscription était très forte, notamment avec une production agricole ultra dominante, alors qu'aujourd'hui, on voit que l'essentiel de la richesse vient d'ailleurs. Mmh. Et il y a une marginalisation quand même du monde rural depuis 50 ans qui est bien forte. Et au-delà du monde rural, il y a une perte en quelque sorte de connaissance du territoire, comme on dit aujourd'hui, par les gens des villes. Oui, et pour conclure, vous qui arpentez les archives du monde rural depuis maintenant plus de 30 ans, Jean-Marc Morisseau, est-ce que cette crise vous paraît étrange, intéressante, mériterait d'être justement regardée par les ruralistes qui sont tout autour de vous et qui participent à Histoire et Société Rurale, par exemple, votre revue? Ah, bien entendu, puisque cette crise, elle a des ressorts qui sont liés au monde rural, pas uniquement, mais en grande partie. Il est sûr que si les croquants du XVIIe siècle avaient eu des iPhones ou bien des moyens de communication beaucoup plus rapides, leur révolte aurait pris une dimension beaucoup plus nationale. C'était pas le cas, et donc c'était dans des cadres régionaux que s'inscrivait leur révolte, qui était très violente. On parle de violence aujourd'hui, bien sûr, mais on retrouve une le violence. Le nombre de morts qu'on trouve dans vos mémoires des croquants, c'est énorme. Et des guerres. Vous voyez, par centaines quelquefois, ils s'insurgeaient contre l'impôt, contre l'armée, avec des centaines de morts et de blessés. Merci beaucoup Jean-Marc Morisseau d'être venu pour cette première partie de la Fabrique de l'Histoire de ce vendredi à propos de ces regards historiques sur les gilets jaunes. Et je rappelle qu'il faut absolument se procurer votre Mémoire des croquants, chronique de la France des campagnes 1435-1652 chez Talendier. Escutami, raga, ha questa peggiare che venti fa bulega. Escutami, plan, escutami, ben, escutami, raga, ha questa musica che venti fa bulega. Ma di la danza, ma di la danza, ma portugaise, pas française. Vous parlez pas espagnol, vous parlez pas anglais, vous parlez pas italien, vous parlez pas portugais. Mais j'aime pas mon mal, vous ne pas mon surigal, pas t'expliquer, pas guess, pas mal. Si vous bel, si vous cao, pire que c'est au provençal. Esta pijade que te fait marcher le comédio, si vous bel, si vous cao, pire que c'est au provençal. Esta vous citez que vient bien faire marcher le comédio. Escoutons mes plans, escoutons mes bains, escoutons mes vagas. Ah, esta pijade que vient te faire bouler, gars. France Culture, la fabrique de l'histoire, Emmanuel Laurentin. Par la patois de Massilia Sound System, un titre de 1992. Et puisque tout cela est très bien organisé, l'émission comme la nôtre, un vendredi comme aujourd'hui, nous avançons dans le temps avec vous, Amélie Meffre. Bonjour. Bonjour. Vous venez pour votre chronique, donc un saut dans la loi, où vous nous rappelez un événement ancien qui donc est en rapport avec l'actualité, à la veille de l'acte 6 des Gilets jaunes. Et alors que le 8 décembre, ceux de Pertuis escalader la propriété de Pierre Gattaz dans le Luberon, eh bien, vous revenez sur le décret du 14 septembre 1791 qui intégra Avignon et le comte Avenessin à la France. Eh oui, l'occasion était trop belle à la veille de Noël d'aller visiter les terres paternelles. Mais je vous rassure, l'importance de l'événement dépasse ma petite personne. La cause d'Avignon est celle de l'univers. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Robespierre. En 1790, on ne lésinait pas sur l'emphase. Il faut dire que ça bouillonnait de toutes parts. Je ne m'étendrai pas sur la prise de la Bastille ou le serment du jeu de paume à Versailles, non, mais sur la bataille entre Carpentras et Avignon, entre le pape et les patriotes, pour faire vite. L'Assemblée, en pleine ébullition sur la Constitution, s'est mobilisée quand même à plusieurs reprises sur la question. Et c'est qu'elle est d'importance. Alors revenons un peu en arrière. Le comte Avenessin fut cédé à l'église en 1228 et la ville d'Avignon, vendue au pape Clément VI en 1348 par la reine Jeanne. Alors on chipote sur l'âge de cette dernière pour contester la vente, mais bon, en attendant, Avignon est papal. Avec la Révolution française, forcément, les choses se compliquent. Des doléances émanent des partisans d'un rattachement à la France en août 1789 et des troubles éclatent dès le 3 septembre. 6 mois plus tard, une municipalité est élue et décide d'adopter la Constitution française. Le pape se fâche et en juin 1790, les journées sont insurrectionnelles. Des sans-culottes survoltées tuent femmes et jeunes modérés quand des papistes ne sont pas en reste. À la glacière du palais d'Avignon, on compte 60 morts dans la nuit du 16 au 17 octobre 1791. La communauté se déchire, comme à Arles. Ou à Nîmes, où l'on dénombre quand même 300 morts. Bref, on assiste à une guerre civile. Alors est-ce que le mot est trop fort à en croire les historiens, Amélie? Ce n'est pas le cas. Non, ce n'est pas le cas, c'est vraiment une guerre civile, et c'est sûrement pourquoi la question d'Avignon a occupé pas moins de 25 séances à l'Assemblée constituante. Le 10 juillet 1791, on décide d'une consultation des habitants dans chaque commune. Les résultats sont connus un mois plus tard, et on les discute âprement. Selon le rapport de Menou, partisan de la Réunion, sur les 98 communautés qui forment les deux États réunis, Avignon et le Comtat donc, 71 ont émis leurs vœux. 52 ont demandé leur réunion à la France, 19 ont voté pour le pape. Et parmi les 27 autres qui n'ont rien dit, eh bien 17 étaient trop occupés aux récoltes, selon le rapporteur, pour affirmer une fois encore leur volonté de rattachement. Et oui, encore la question de la France rurale. Oui, rappelons au passage que depuis la loi du 22 décembre 1789, la France se répartit en 83 départements et que ça chauffe un peu partout. Mais qu'est-ce qui explique un tel déferlement de violence sur les terres provençales? Eh bien, pour Jean-Clément Martin, on a affaire à des luttes de clan contre clan, quartier contre quartier, un peu comme à Florence ou à Sienne. Comme le résume l'historien, tout le monde se connaît et tout le monde se tue. Alors bien sûr, dans l'hémicycle, Amélie, la lecture est beaucoup plus politique que cela. Ben oui. Et les débats se durcissent à mesure que la bataille fait rage. Le 2 mai 1791, Robespierre, encore lui, déclare à l'Assemblée « Il ne restera jamais au peuple d'autres moyens de recouvrer la liberté ». Malouet, lui, rétorque « L'insurrection partielle d'une section du peuple est un attentat manifeste contre la souveraineté, contre la paix publique. » Et donc on s'écharpe au nom des grands principes. Et comme le souligne l'historien Olivier Rouchon, la question avignonnaise entre dans un débat universel sur les droits des peuples à disposer d'eux-mêmes. L'enjeu est de taille, alors que le 3 septembre 1791, à l'Assemblée adopte la Constitution, et bien l'affaire du Conseil d'Avignon en est la suite logique, quand le pape s'y oppose et que le roi est prisonnier après sa tentative de fuite. Après avoir entendu le maire d'Avignon, une députation des États-Unis d'Avignon et du comté vénétien, les députés approuvent le décret du 14 septembre 1791, le voilà. L'Assemblée déclare que les deux États réunis d'Avignon et du comté vénétien sont partie intégrante de l'Empire français. Et en fait, ils représentent les premières conquêtes de la France révolutionnaire. Mais il faudra quand même attendre le 25 juin 1793 pour que le département du Vaucluse, alors 87e de France, soit formé. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui, plus de deux siècles après cette bataille révolutionnaire, Amélie ? Eh bien, pas mal de Vauclusiens, la veille d'un énième acte de gilets jaunes, ne semblent toujours pas calmés. C'est peut-être qu'ils sont sacrément testards, comme on dit en bas. Merci beaucoup à vous, Amélie Meffre. On peut lire notamment de Jean-Clément Martin, Nouvelle histoire de la Révolution française, paru chez Perrin en 2012, et l'article d'Olivier Rouchon dans les rattachements pacifiques de territoire à la France, 14e-19e siècle, sous la direction de Jacques Berlioz, qu'on salue, et d'Olivier Poncet, paru en 2013 aux publications nationales de l'École des Chartes. Merci et à l'année prochaine. Vous écoutez La Fabrique de l'Histoire sur France Culture avec Emmanuel Laurentin. Bonjour Gaëtan Drault. Bonjour. Merci d'être avec nous et vous voyez qu'on se rapproche de votre période tout doucement mais très sûrement puisque vous êtes l'auteur d'une thèse sur des personnages qui sont passés à l'as, pourrait-on dire, de notre histoire commune et que vous faites ressurgir, les procureurs généraux syndics de département. C'est une invention de la Révolution française et nous voulions vous avoir dans notre émission. Vous êtes maître de conférence en histoire à Nantes pour justement évoquer ce rapport de Paris et la province, parce que dans votre thèse, vous insistez beaucoup sur le rôle de ces procureurs généraux syndics qui n'ont pas duré très longtemps pendant la Révolution et qui ont été évidemment tout à la fin de la période et par Napoléon transformés. C'est tout, un autre rôle qui sera celui-ci en préfet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qui ils étaient et pourquoi ils ont de l'importance quand on s'intéresse justement à ce rapport entre centre et périphérie, comme on dit aujourd'hui? Alors effectivement, c'est une innovation institutionnelle hein, de la Révolution française, ces procureurs généraux syndics, mais en même temps, ils s'inscrivent quand même dans une histoire administrative et de réforme administrative de tout le XVIIIe siècle. Ils succèdent aux intendants ? Alors, ils succèdent pas vraiment aux intendants, ils succèdent plutôt aux procureurs syndics qui existent déjà dans les États provinciaux, dans les provinces d'État, et à cette innovation aussi, cette tentative de réforme de la monarchie à la fin du XVIIIe siècle, portée par les projets de Turgot, de Necker, qui vont mettre en place en fait des assemblées provinciales. En 1787, dans lesquels on va trouver les premiers procureurs syndics. C'est-à-dire ces personnages qui sont censés, au sein de ces assemblées qui discutent de l'application de la loi, qui sont des assemblées consultatives, en fait, qui sont là pour aider l'intendant. Ces assemblées consultatives, elles ont donc ce personnage qui est censé faire la jonction, voilà, entre la procuration du roi et le syndicat, c'est-à-dire la représentation des intérêts de sa communauté. Donc, la création des procureurs généraux syndics à la Révolution s'inscrit quand même dans les réformes initiées par la monarchie elle-même au XVIIIe siècle. Là où l'innovation est fondamentale, c'est que cette institution du procureur général syndic, elle va s'instaurer dans les départements, donc en fait avec cette redéfinition totale du territoire national, ce redécoupage, et surtout qu'on supprime les intendants, c'est-à-dire que de la dimension consultative de ces assemblées provinciales ou des états provinciaux, on bascule en fait à une administration totalement autonome, dans lequel ce procureur général syndic est élu par les administrés au même titre que les autres administrateurs. Il accompagne en fait les administrateurs dans leurs délibérations collégiales sur les modalités d'application de la loi et il est le seul institutionnellement à faire le lien entre la loi générale et son application dans chaque département. Alors vous êtes peut-être la seule demain à prendre une bougie et à fêter les 229 ans de la loi du 22 décembre 1789, parce que vous êtes peut-être la seule à savoir que cette loi existe, j'espère qu'il y en a d'autres, Gaëtandreau. Mais néanmoins, c'est le 22 décembre 1789 qu'on va décider que ces procureurs généraux syndics de département seront mis en place dans chaque département par la loi. Et là, c'est très important, dites-vous, parce que la question de la loi, c'est fondamental. Ces gens-là vont transmettre la loi, vont dire la loi, vont expliquer la loi, vont être même l'incarnation physique de la loi et la faire exécuter dans un contexte qui est le contexte révolutionnaire où ce qui règne, eh bien, ça n'est plus forcément le roi, mais c'est la loi, en l'occurrence, Gaëtandreau. Oui, c'est vraiment, et c'est très important d'appuyer là-dessus. Alors, c'est vrai, forcément, l'empathie avec son sujet d'étude fait que, voilà, je vais trouver ça formidable, etc. Mais effectivement, il faut être conscient que ce personnage, finalement, c'est on fonde, parce que l'administration est constitutionnelle, hein, on crée la constitution et on pense l'administration en termes de mise en œuvre de la constitution. Mmh. C'est la constitution et c'est sa mise en œuvre réelle. Ce personnage, en fait, on lui fait confiance, c'est-à-dire qu'il est seul dans son département, et c'est lui qui va faire la jonction, et ça se fonde forcément avec cette conviction commune qu'ont les députés de l'Assemblée constituante, que la loi issue de la volonté générale suit l'ordre naturel, quelque part, les lois de la nature, et en ce sens, il est possible de manière autonome au sein des départements, de construire le consentement à la loi. Que la loi, du fait qu'elle est issue des délibérations et de la volonté générale, elle va rencontrer les intérêts particuliers. Intérêt général et intérêt particulier vont se rencontrer de manière harmonieuse. Et celui qui est un peu le responsable de cette construction du consentement au niveau local, c'est le procureur général syndic. Et ce qui est encore intéressant, c'est que finalement, vous parlez de la loi du 22 décembre 89, et justement, pendant longtemps, on a parlé de l'administration du début de la Révolution comme étant une espèce de d'utopie totalement irréalisable, qui n'aurait eu comme effet, enfin, ou comme objectif que de lutter contre l'arbitraire royal, et qu'en fait, ça n'était qu'un moyen pour en fait détruire quelque chose, pour en fait réaliser après quelque chose de pérenne. Non, en fait, le procureur général syndic, il est vraiment pensé par les constituants et par le comité de constitution d'un point de vue très pragmatique. C'est la cheville ouvrière du département, dit De Virieux, par exemple. Oui, tout à fait. Et les gens qui le pensent au comité de constitution, ce sont eux-mêmes des gens qui ont eu une pratique administrative sous l'ancien régime, des gens comme Touré, qui est celui qui porte le projet, qui est le rapporteur de la commission du projet constitutionnel. Touré est lui-même un ancien procureur syndic de l'Assemblée provinciale de Normandie. Donc il a déjà une acculturation à cette pratique, il sait de quoi il parle. Et par ailleurs, au cours de l'automne 89, l'obsession des constituants, c'est de ramener l'ordre dans le territoire. C'est que suite à la Grande Peur, à la Révolution municipale, suite au mouvement en fait populaire de l'ensemble du territoire, leur idée, c'est pas du tout un truc utopique où on va. C'est au contraire, comment est-ce qu'on fait pour ramener justement la confiance, ramener, voilà, et imposer cette loi dans les moindres parties du territoire. Eh ben, le pari incroyable de ces gens-là, c'est de dire on va le faire en laissant les gens s'appliquer la loi à eux-mêmes. Alors, ce qui est assez formidable, effectivement, quand on vous lit, et en lisant la thèse récemment de Côme Simien sur l'école pendant la période de la Révolution française, on était aussi intéressé par cela, c'est cette négociation qui se met en place. Parce qu'une des grandes questions qu'on peut se poser à travers cette figure des procureurs généraux syndics sur laquelle vous avez travaillé, Gaëtandreau, c'est justement de savoir s'ils sont là pour conquérir le territoire au nom du centre ou au contraire pour pouvoir être un espace d'échange et de négociation donc entre ce centre et ces territoires donc qui sont les territoires de la nation. Alors les ils sont un peu les deux. Et c'est ça, ils font les deux à la fois. Alors, ce qui est sûr en même temps, c'est que si on utilise le terme de négociation, ils sont des agents de la négociation dans l'application de la loi. Par contre, ils ne sont pas des agents de la négociation de la domination politique. La pensée du territoire en 1790 est une pensée fondée sur la suppression des corps intermédiaires, sur la création de territoires nouveaux qui sont les départements, avec cette idée que le territoire n'est plus un espace de domination. Le territoire de la nation est un territoire de liberté, et la liberté suppose qu'il n'y a plus de négociation de la domination. Donc son rôle n'est pas de négocier les modalités de la domination politique comme était le rôle des provinces. En fait, les États provinciaux, ils étaient dans cette logique de négociation. Mmh. On discute avec le centre pour avoir des privilèges, avoir plus de liberté locale, etc. On n'est pas du tout dans cette pensée-là en 1789, puisqu'on est sur le principe de la fédération. Et l'exemple là du comtat vénécin et d'Avignon et reprend cette idée. C'est-à-dire que la création des départements, c'est aussi la pensée que chaque partie du département, du territoire, va adhérer volontairement dans une confédération à une nouvelle constitution. Oui, mais ça, c'est une très belle idée, en l'occurrence Gaëtan Drault, mais vous montrez aussi les limites de cette idée. Vous montrez par exemple combien ces procureurs généraux syndics doivent, disons, négocier à l'intérieur de leur espace géographique, à l'intérieur du département, entre des municipalités et le département, que ces relations sont délicates et que ça ne se passe pas toujours très bien, qu'eux, ils sont là pour justement rappeler la loi, dire ce qu'il faut faire, en l'occurrence. Ah oui, alors tout à fait. C'est-à-dire que s'il y a un espace de négociation, il est principalement justement à l'échelle départementale, enfin oui, à l'échelle locale. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui passe son temps à écrire des lettres absolument à tout le monde. Oui, alors vous dites qu'il y a une sorte de diplomatie épistolaire. C'est incroyable. Il écrit au ministre parce qu'il est le responsable de l'administration dans le département et il écrit à tous les gens qui sont à l'intérieur de ce même département. Il passe son temps assis à son bureau à écrire des lettres, en fait. Hein. Ils le racontent eux-mêmes après dans leur mémoire ou même dans quand ils écrivent des lettres à des amis ou à d'autres procureurs généraux syndics, parce qu'il y a toute une relation épistolaire entre procureurs généraux syndics, ce qui est très intéressant dans une horizontalité d'organisation du territoire. C'est qu'ils communiquent énormément entre eux en essayant justement d'uniformiser leur pratique de manière sans passer par le centre aussi. Oui, parce que c'est expérimental en l'occurrence ce qu'ils sont en train de faire. C'est une expérience. En train de créer, ils créent une pratique, ils créent une manière de négocier, et dans ces échanges, ils disent en fait qu'ils sont épuisés, quoi, qu'ils n'ont pas pu d'écrire. Mais parce que oui, c'est en plus avec une conscience très aiguë de l'importance de leur tâche et de l'urgence du moment, c'est-à-dire à la fois l'exaltation d'avoir l'impression d'accomplir quelque chose d'important, et en même temps, c'est vrai, des dysfonctionnements quasi permanents qui font que chaque moment est compliqué à gérer. Donc, ils écrivent. Et donc, on est sur des espaces de négociation, mais où pendant très longtemps, enfin, pendant très longtemps, à l'échelle de la Révolution, très longtemps, c'est quelques mois. Ça va tellement. C'est ça, ça va être. On va dire jusqu'à 92, on va dire. Hein, ça fonctionne relativement bien. C'est-à-dire qu'on arrive à avoir des logiques de négociation où le rôle du procureur de vraiment d'essayer de construire ce consentement a un sens. Et puis après, il y a une division qui devient ingérable. Et pourquoi donc ce titre de procureur généraux syndic, ce rôle, va-t-il disparaître justement au bout de 3 ans dans la Révolution française ? Ce qui fait que vous êtes peut-être la première à vous y être intéressée véritablement, parce que ça dure peu de temps, et néanmoins vous dites que c'est à la source d'une façon d'envisager l'administration du territoire. Pourquoi ça dure aussi peu de temps, tout compte fait, Gaëtan Drault ? Il y a une sorte de triple rupture, c'est-à-dire la première rupture, c'est évidemment la constitution civile du clergé qui va imposer des ruptures, des conflits locaux qui deviennent vraiment difficiles. C'est-à-dire que là, la construction du consentement devient vraiment un peu périlleux. Et puis après, on a surtout la fuite du roi qui va un peu invalider la pyramide, on va dire, enfin la Constitution de 91 en fait. Hein, c'est cette pensée-là, elle est liée à la monarchie constitutionnelle. Et donc lui, la fuite du roi va poser le discrédit en fait sur cette administration par une partie de l'opinion. Et puis la guerre en fait. Le vrai élément fondamental, c'est que cette idée de fédération volontaire, elle repose aussi, elle va de pair avec la déclaration de paix au monde. C'est-à-dire que ça fonctionne de dire, finalement, on répartit le territoire en petits espaces qui vont tous adhérer à la Constitution dans un esprit de confédération harmonieux. Et en fait, dans l'idée de 90, c'est de dire, et puis ça va se diffuser au reste du monde, en fait. Les gens vont progressivement, de proche en proche. Hein, là, je reprends Volney dans son